grande joie, nous l'avons chanté. Immunisé contre les forces sinistres. Un Landais qui s'obstinait à s'inviter. S'il ne doit pas venir, il ne viendra pas. T'ai je dit. Ta chaîne est en 2011.